Tu m'accueillis au creux d'un bas, sans t'en apercevoir. Depuis je tourne autour de toi, jamais t'as su pourquoi. Et si j'ai si souvent servi à tromper ton ennui, j'ai ma place dans ton cœur parce que je suis mineur, couleur de soie. Je rends jolie les idées noires, les délits mineurs. C'est l'enfance de l'art mineur, couleur de pluie, du bout des lèvres au bout de la nuit. Apprends-moi par cœur. Je vis lové dans ta pardon, je bois dans ton chagrin. Je te suivrai là où tu sombres, jusqu'au petit matin. Les mots d'amour une fois guéris, tu crois qu'on les oublie. Chérie, pourquoi tu pleures? Parce que je suis mineur, couleur de soie. Je rends jolie les idées noires, les délits mineurs. C'est l'enfant.